Les ambassadeurs du continent africain avaient été conviés par les députés français, bien sûr. Au cours de la réception officielle, Son Excellence l'ambassadeur du Mali avait évoqué des incidents ayant comme origine le comportement outrageant de certains éléments de l'armée française vis-à-vis de la population. Plutôt que rappeler ces soldats à l'ordre, le gouvernement français décida d'expulser cet ambassadeur. Indépendamment de tout cela, le nord du Mali était convoité par des éléments étrangers armés avec l'appui de M. Sarkozy. Les forces spéciales maliennes, dont le colonel Assimi Goïta, sont intervenues, mais furent interrompues dans leurs actions sur le territoire du Mali par l'armée française. Afrique Média, le monde, c'est nous.